maison pu s'éteindre. Un gratte et j'ai tort de me plaindre. De vos absents chaloux, je me plains à mon tour. Je sais qu'on prépare une fête, vous en êtes l'objet. C'est pour vous qu'on la prête, nous avons su votre retour. Pour moi, non, non, c'est un détour. D'un autre amant, vous êtes la conquête. Et je sais qu'en ce même jour... Eh bien, monsieur, j'approuve son âme.